Donc nous allons fonctionner en équipe. Comme nous avons commencé avec une première partie qui s'appelle « De l'expérience plastique à l'expression spirituelle », on s'est dit on ne va pas faire un discours d'une heure pour montrer que l'expérience plastique elle est source d'expression spirituelle. Donc on va essayer de vous faire rentrer dans quelques-unes de ces énigmes esthétiques. Avec, j'ai choisi très simplement deux corpus qui ont été qui sont présents dans le volume. Le premier d'ailleurs dans le ça va être un commentaire de la couverture, cette main qui à la fois bénit d'où partent des un peu d'eau, des ruissellements d'eau, et puis deux autres corpus artistiques qui ont guidé notre réflexion, qui était, vous le savez, un colloque franco-allemand et interdisciplinaire où il y avait des biblistes, des théologiens, des psychologues, des philosophes, des historiens d'art. Et donc des lectures croisées avec ces deux sensibilités des deux côtés du Rhin. Nous avons d'ailleurs parmi l'assemblée ici des traducteurs qui ont contribué à la traduction de textes allemands en français. Et ce qui a d'ailleurs permis de montrer qu'il y avait une différence de sensibilité assez notoire entre la façon d'aborder le spirituel d'un côté du Rhin et de l'autre côté du Rhin. Mais on pourra y revenir dans la discussion. Donc moi je vais juste commenter deux, trois images. Et puis après, Bettina nous fera un arrêt sur, avec sa spécialité de bibliste et de praticienne, sur, autour de la notion de corps et la manière dont elle a abordé la question de l'esthétique, qui était un champ un peu nouveau pour elle. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir. Et puis après, je reviendrai pour donner quelques éléments, je conclurai par quelques éléments de ce débat qui est assez contemporain et qui l'est même tout à fait, puisque vous savez que cette semaine, à Strasbourg, il y a eu la pièce de Castellucci, Romeo Castellucci, Sul concetto del volto nel figlio di Dio, je crois que c'est ça le titre. Hein. On est exactement dans cette thématique. C'est-à-dire, Castellucci parlera d'ailleurs demain, il est invité chez les Dominicains, et aussi la librairie Kleber, je crois. Hein, mais c'est à la fois plein de spiritualité, mais une spiritualité qui n'est pas celle qu'on a peut-être l'habitude, pas de la manière dont on l'aborde dans les églises en tout cas. Mais ce n'est pas non plus sans référence à l'iconographie chrétienne. Alors, je voulais démarrer de ce que vous allez voir, qui était une grande exposition à l'air libre, qui s'est faite en l'an 2000, et pour moi 2000 c'est assez symptomatique de ce retournement. Je pense que depuis 10 ans, ce tournant du millénaire, la spiritualité est de plus en plus présente dans l'art contemporain, en fait. Voilà. Et en 2000, il y a eu, en fait c'était 2002, autour du lac de Mora en Suisse, Murtensee en allemand, qui est juste à la frontière linguistique, il y a une grande exposition, c'était l'exposition nationale suisse, et à cette occasion-là, les églises, et c'est surtout les églises protestantes, suisses, allemandes et romandes, ont voulu dialoguer avec les artistes. Et ces églises ont fait ce qu'avait fait le père Couturier en 1950, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord choisi les artistes chrétiens, bien sûr, mais ils ont choisi les plus grands artistes, parmi les plus grands, reconnus internationalement. Ici, vous avez le cube de Jean Nouvel, qui est connu, vraiment des grands noms, et en disant, c'est l'art qui doit parler. Et il fallait évidemment que ces artistes rentrent dans ce dialogue. Et autour de, il y avait sept pavillons. Alors je vais juste vous en commenter un des sept, parce que sinon on prend beaucoup trop de temps. Et chaque pavillon avait un nom. Il y avait le nom Parole, le nom Bonne Nouvelle. Alors c'est des noms qui peuvent, évidemment, qui ont des connotations chrétiennes. Et il y avait le nom Bénédiction, Au-delà, etc., etc. Et chaque artiste a fait une réalisation dans un de ces pavillons qui était au bord du lac. Alors je vous montre d'abord là, vous voyez donc ce lac avec cet énorme cube de Jean Nouvel au milieu, assez énigmatique, et les pavillons qui se présentaient comme ça, donc on rentrait dedans et il se passait des choses, voilà, des concepts artistiques, tout ça aussi pour nous dire qu'aujourd'hui l'art s'est dématérialisé et en tout cas devient beaucoup plus une installation, une performance, des lieux de confrontation avec le visiteur qui devient partie prenante de l'œuvre en train de se réaliser. Donc vous voyez un de ces pavillons comme ça, autour du lac. C'est aussi assez typique du déplacement du concept artistique qui maintenant envahit l'espace public, la rue, qui n'est pas liée à des espaces définis que sont l'église, le musée, etc. Mais on trouve, au fond, l'art est partout. Et tout peut être de là. Alors, le pavillon que j'ai choisi de vous commenter, parce que, encore une fois, j'ai repris ça repris pour la couverture du livre, il s'appelait Bénédiction, Segen, hein, il y avait ce double nom allemand et français. Bénédiction est fait par un artiste, Bob Wilson. Et alors, vous entriez dans ce pavillon et vous aviez des mains, des paires de mains, qui sortaient comme ça d'un mur blanc, vous voyez? Et donc il y avait des mains pas de n'importe qui, des mains d'un enfant, des mains d'un adulte, d'un vieillard, etc., à différentes hauteurs, des moulages de mains, hein, des moulages de mains. Et donc on était un peu intrigués, on s'approchait, le pavillon était à ciel ouvert, c'est-à-dire que, vous voyez, on voit bien déjà la lumière du ciel, et des doigts coulaient des petites gouttes d'eau. Des gouttes d'eau coulaient des doigts, donc c'est une installation techniquement assez complexe, vous voyez. Et évidemment, ça évoque l'idée de la bénédiction, mais ça évoque aussi autre chose, c'est simplement, c'est l'eau de la fécondité, de la terre, de la nature, ce qui fait que, tu vois, il n'y avait rien n'était religieux en soi ici, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de verset biblique, il y avait simplement ces mains, ces moulages de mains, très réaliste, avec ces gouttes d'eau. Tout ça se mêlait avec l'eau qui tombait du ciel, parce que ces pavillons étaient restés un certain nombre de semaines, et l'eau tombait du ciel, et donc c'était récolté par le bas. Vous voyez, là, c'est une photo qui est prise d'en bas, donc on voit aussi ce ciel qui est là, donc cette ouverture, hein, c'est pas un lieu fermé, c'est un espace ouvert. Et évidemment, qu'est-ce que on avait envie de faire quand on voit ses mains? Ben, on a envie de les prendre, on a envie de les toucher. Et c'est effectivement ce que faisaient les visiteurs, hein, qui tendaient la main, et du coup, cette main tendue rejoignait ses mains en bronze, en moulage. Évidemment, il se passait quelque chose, il y avait quelque chose de l'ordre du corporel, du contact physique, avec cette eau qui bénissait finalement. Donc vous voyez, le visiteur, sans s'en rendre compte, sans le savoir, il faisait un acte qui était religieux, qui était de l'ordre, un acte rituel, qui pouvait être de l'ordre de la bénédiction, qui avait une connotation aussi baptismale, bien sûr, hein, mais qui pouvait être aussi une louange à la création. Et ça, je crois que c'est assez typique de cette capacité qu'a l'art contemporain de s'adresser, d'avoir un langage inclusif qui s'adresse à tous. Finalement, chacun peut s'y reconnaître dans sa démarche, et si on est croyant, on y retrouvera des connotations, des analogies avec une démarche de foi. Si on ne l'est pas, eh bien, on l'abordera d'un point de vue humain, anthropologique. Ça va nous parler, parce que ça parle au sens, hein. Il n'y a pas de démonstration, tout est dans l'acte en train de se faire. Voilà, donc ça, c'était vraiment un peu un clin d'œil par rapport à notre ouverture, et puis pour vous dire, au fond, ces immenses capacités qu'a l'art contemporain d'avoir une parole qui s'adresse à tous, qui met en mouvement, puisque le spectateur devient acteur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de performance ou d'installation, c'est-à-dire qu'on vient, regarder une œuvre, et puis en fait cette œuvre nous fait faire des choses, nous fait nous déplacer, tourner autour, toucher, sentir, être un peu agressé, etc. Et on devient partie prenante de l'œuvre en train de se réaliser. Et puis le troisième concept, c'est que l'art est partout, il est dans les rues, dans les places publiques, dans des lieux où on ne s'attendait pas qu'il soit. Il y a des artistes qui volontairement créent dans des lieux populaires, dans des rues un peu sorties, dans des quartiers où on n'a jamais vu une œuvre d'art. Enfin, il y a cette volonté de l'art d'être présent partout et de s'adresser à l'homme, à l'être humain quel qu'il soit, sans retomber dans des réseaux élitistes. Voilà, alors ça, c'était le premier patrimoine dont je voulais vous parler et qui est présent. Le deuxième, alors là, c'est un petit retour en arrière, mais il est aussi présent dans notre livre, puisque nous avons fait ce colloque à partir d'une expérience esthétique double, c'est-à-dire accompagner le colloque à deux présentations de psaumes, d'un corpus de psaumes, et je vais peut-être commencer par le moderne, hein, puis je vais terminer par le contemporain. Donc le premier Tseltsog, c'est ça qui nous a donné l'occasion d'avoir ce colloque. Ce sont des tapisseries, je vais vous les montrer maintenant. 8 tapisseries d'une artiste allemande qui s'appelle Christina Utsch, qui est fait de la paramantique, hein, c'est-à-dire des tapisseries à l'origine liturgique. Mais elle a fait un travail assez extraordinaire que j'ai ici, qui est le psaume 84, en interprété à partir de schémas non figuratifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'illustrer le psaume, il ne s'agit pas d'illustrer un récit ou une problématique, comme c'était longtemps l'art, c'est cantonné pendant très longtemps dans le rôle d'être une illustration d'un récit, mais c'est plutôt une réinterprétation très personnelle de ces paroles. Alors, à première vue, on voit évidemment aucun rapport entre le verset du psaume et cette tapisserie qui a été tissée tout au long de mois, de semaines, qui s'est fait vraiment dans la lenteur et la patience. Et puis, finalement, quand on écoute le verset et qu'on voit l'heure, on trouve des analogies. Alors, par exemple, ici, c'est le verset 3 du psaume 84. « Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temps. » Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Alors en fait, je vous laisse un peu savoir, tout mon être crie sa joie au Dieu vivant, et le rapport entre le verset et le texte, et l'image, et la tapisserie même. Là aussi, la tapisserie, il y a une texture, on a envie de toucher l'œuvre, de la prendre, etc. Là, c'est le verset 4. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits, près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon Dieu et mon roi. Alors les analogies ne sont pas absolument évidentes, hein. il faut chercher, il faut faire des allers-retours, et il peut y avoir des décalages, des correspondances, des dissonances entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ces tapisseries ont été exposées ici même d'ailleurs, à la médiathèque ainsi qu'au palais universitaire. Alors ici, cette spirale, ça fait un peu étonnant, c'est assez simple, « Heureux ceux qui habitent chez toi » et peuvent t'acclamer sans cesse. Ensuite, le verset 7. Quand ils passent par la vallée du baumier, ils la changent en oasis, et même la pluie d'automne la couvre d'étang. Ici, nous avons le verset 8. Ils gagnent des forces à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Et ici, le verset 9. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Donc voilà, une énigme, il y a aussi quelque chose qui ne se donne pas au premier abord, hein, puisqu'on est au-delà de la figuration. Et c'est aussi une des caractéristiques de l'art contemporain, c'est le côté énigmatique. Hein. Tout ne se donne pas d'emblée dans un acte de regard, il faut chercher, il faut trouver des correspondances. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, on peut être plus ou moins sensible. Alors ce psaume tissé, qui est l'expression d'un dialogue très personnel, avec l'œuvre, nous a aussi incité à découvrir et montrer un troisième patrimoine, et c'est le dernier de ce que je vais vous montrer, et qui est strasbourgeois, celui-là. Nous sommes la maison du cerf qui se trouve, qui fait l'angle place de la cathédrale, et nous avons découvert un peu par hasard, grâce à la perspicacité d'un de nos collègues, que dans cette maison, il y avait au premier étage une toute petite pièce, une Stube, qui avait été décorée au XVIe siècle par un pharmacien luthérien, et entièrement par des représentations du psaume 1, alors, qui sont en très mauvais état, mais qui sont d'abord un démenti du fait que le luthéranisme n'a pas accueilli les images, il les a accueillies, même si c'était dans un rôle très catéchétique et très pédagogique. Et nous avons ici un patrimoine assez unique de ce psaume découpé en sept phases, en sept tranches, et qui se donne à voir, et là aussi, qui est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Madame Utsch au XXIe siècle, au XVIe siècle, de ce dialogue assez personnel, assez intime, du propriétaire de cette pharmacie qui a travaillé avec un artiste pour essayer d'avoir un équivalent visuel du texte. Alors, évidemment, on était dans une toute autre esthétique. Alors, je voulais juste vous montrer l'état de cette... En fait, je dis, c'est une peinture murale, hein, une peinture murale en grisaille qui est en très mauvais état, qui demanderait de restaurer. Mais la municipalité de Strasbourg n'a pas l'argent pour l'instant pour refaire ses peintures, ce qui fait qu'elles sont voilà, dans ce triste état. Et nous avons donc commencé à nous intéresser à ce patrimoine ici. Donc c'est le psaume 1, avec la voix des justes et la voix de ceux qui ne suivent pas la loi. Alors c'est relu à travers les 10 commandements, c'est-à-dire que vous avez aussi derrière ce juste et ceux qui suivent le chemin du salut et ceux qui suivent le chemin de la perdition, il y a aussi ceux qui sont fidèles aux commandements et ceux qui les enfreignent. Ici, vous voyez, il y a le commandement, l'interdit de tuer, de voler, de sacrifier aux idoles. Enfin, ce sont des qui sont donc un côté un peu négatif, c'est assez dichotomique comme vision, disons. Mais il y a aussi des interprétations beaucoup plus personnelles. Alors là, c'est donc Moïse, d'abord Moïse, et puis ce fidèle au bord de l'eau, hein, puisque comme l'eau joue un rôle important dans ce psaume 1. Et nous en avons là une esquisse refaite par un de nos étudiants, puisqu'on a trouvé un étudiant qui est très versé dans les arts graphiques et qui a reconstitué l'ensemble de ces 7 panneaux de manière à ce que nous puissions en avoir une lecture un peu plus précise. Alors on a pu dans notre ouvrage voilà ce que vous avez mal vu tout à l'heure, et bien vous le voyez beaucoup mieux grâce à ce travail, et nous avons pu imprimer, vous l'avez ici, page 50 hein, de nos, puisqu'il y a un chapitre du livre qui est consacré à ce dialogue entre ces deux psaumes, ce psaume 84 fait par Madame Wouch et ce psaume 1 qui date du XVIe siècle ici, avec ces esthétiques à la fois différentes, mais qui chacun prétend dialoguer avec un texte biblique du même corpus, qui sont les psaumes. Eh bien, vous en avez ici. Notre travail s'intéresse surtout effectivement à la spiritualité dans l'art contemporain, mais c'est un contemporain qui est aussi ouvert sur le patrimoine passé. Là, c'était peut-être une des choses les plus extraordinaires dans cette peinture murale du XVIe siècle, et une modernité, une créativité, c'est que l'artiste a inventé un homme-arbre, puisque l'homme, le croyant, il est comme un arbre planté au bord de l'eau, et bien il a finalement condensé la métaphore, hein, et il en a fait un homme-arbre. Et puis derrière, il y aurait peut-être une femme-arbre, alors je ne sais pas si c'est des hommes, si c'est des femmes, ou c'est deux hommes, et un homme-arbre, une femme-arbre, mais vous voyez aussi la capacité qu'a le langage artistique, hein, de finalement de rendre les métaphores très plastiques et de créer un nouvel objet. Hein, ce qui est métaphorisé dans le texte devient ici un objet de contemplation. Et on est, c'est plus d'illustration, on est dans une création d'un objet esthétique qui va au-delà, qui va plus loin peut-être de ce que peut dire le texte. Voilà, ben j'ai fini avec mes quelques patrimoines parce que je ne voulais pas, comme ça fonctionner à l'infini. Je voulais juste fait référence effectivement à ces créateurs comme la pièce de Casulucci, mais peut-être que je laisserai ça pour le débat tout à l'heure, et de dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où va l'art contemporain dans cette volonté consciente ou inconsciente de revisiter des thèmes chrétiens, une spiritualité qui n'est pas commandée ou par une dogmatique particulière, mais qui se veut totalement libre, mais qui est en même temps une manière, pensons-nous, hein, enfin c'était une des thèses de cette approche, de revisiter les sources bibliques et de les rendre accessibles à d'autres publics. Voilà, donc je vais laisser la parole à Bettina pour une approche peut-être plus ciblée, hein, par rapport au thème du corps. Un petit peu plus ciblée, mais je vais un petit peu réduire mon intervention parce que je ne vais pas du tout reprendre l'article du volume qui s'intitulait L'homme en son corps, œuvre de l'esprit, pour jouer un petit peu sur les mots. Et en fait, je terminais cet article avec quelques questions, et ce que je vous propose, c'est de vous reproduire ces questions et puis d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai essayé de répondre à mes questions, hein, mais sans prétendre à une réflexion très aboutie. Alors, ces questions étaient relatives quand même à la problématique du corps et de l'esprit dans les deux champs de l'art et de la foi. Et je m'étais posé finalement deux questions. La première, c'est celle de l'inspiration. Cette terminologie n'est pas étrangère au monde artistique, le fait d'être inspiré. Et finalement, ça suscitait quelques questions. D'où un artiste tire-t-il son inspiration? Comment l'appréhende-t-il? Dira-t-il que cette inspiration vient de lui-même, qu'il trouve en lui-même la source de son inspiration? Introduira-t-il, au sein même d'une inspiration intérieure, une notion d'altérité, au sens d'un geste ou d'une parole qui s'imposerait à lui? Le coup de pinceau est-il totalement contrôlé? Je parle du coup de pinceau, mais ça pourrait être autre chose. Mais le coup de pinceau est-il totalement contrôlé ou échappe-t-il parfois à son auteur, dépassé lui-même par sa propre inspiration? Quelques questions que je me pose. La seconde problématique qui touchait à la corporéité, l'artiste se sert de son corps pour peindre, écrire, sculpter. Son corps est son instrument de travail. Alors, chaque artiste développe-t-il aussi un exercice de son art de manière personnelle, au sens de quels rites ou quelles habitudes, quel rythme de travail l'artiste adopte-t-il, consciemment ou non, qui pourrait le conditionner dans la production de son art? Peut-il évoquer des conditions corporelles, d'espace, d'instruments, favorables ou défavorables à l'émergence de son inspiration? Donc, c'est des questions que je voulais croiser dans ces deux champs. Alors voilà, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin et puis j'essaierai de raccourcir un petit peu mon propos. Donc je me suis centrée surtout en fait sur la question de l'inspiration, en partant peut-être d'abord du niveau primaire, au niveau physique. Si l'on prend le terme à ce niveau, inspirer, c'est faire entrer un souffle à l'intérieur de soi. Un niveau tout à fait basique. À cette notion d'inspiration, évidemment, s'oppose la notion d'expiration. Et c'est donc là, toujours à ce niveau physique, c'est faire sortir quelque chose de soi, faire sortir un souffle qui n'est pas de même composition, ça, d'accord? Mais au fond, faire entrer et faire sortir. Et c'est donc produire à partir de soi. Quant à cette inspiration, celle-ci, finalement, par définition, et c'est ce qui me paraît important, relève d'une extériorité à soi. Je veux dire, c'est un truisme. Mais d'une extériorité à soi. Et je me suis dit, finalement, là, il y a quelque chose qui pourrait être une base commune entre l'art et la foi. Alors j'ai essayé de voir ce qu'en disait le milieu artistique. J'avais déjà, lors du colloque, posé un petit peu cette question à l'un ou l'autre artiste. Qu'est-ce que vous mettez sous le mot d'inspiration? Alors, j'ai pas eu de réponse. Et puis j'ai dit, sinon, faites-moi un mail pour m'expliquer un petit peu comment vous voyez la chose. J'ai pas eu de mail. Bon. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas aisé pour eux, d'ailleurs, de parler de ça. Peut-être que ça les intéresse pas non plus. De voir cette question sous cet angle-là. Alors, heureusement, il y a Internet. Donc, j'ai glané quelques interviews quand même qui avaient été faites, en tout cas qui avaient été faites en Angleterre auprès d'artistes. Donc je vous donne voilà quelques citations de propos d'artistes. Et là dans différents champs artistiques. Alors une danseuse de ballet. Je cherche l'inspiration dans le cinéma, le théâtre, la musique, l'art, et je regarde le ballet des autres compagnies, les autres danseurs et les autres types de danse. Je ne suis jamais jalouse d'un autre bon danseur. Je sens qu'il y a tellement de choses à apprendre d'eux. Une idée ne vient jamais à moi soudainement. Cela m'habite pendant un temps, puis cela émerge. Un compositeur de musique. Oublie l'idée que l'inspiration vient à toi comme un flash de lumière. C'est plutôt comme une puissante greffe. Et puis la routine est réellement importante. Quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches, quel que soit ce que tu as bu, bon, il faut avoir un régime particulier, celui-là, mais quel que soit ce que tu as bu la veille, lève-toi à la même heure chaque jour et vas-y. Quand je compose, je me lève à 5h ou 6h et travaille jusqu'au déjeuner. Réellement, une habitude, au fond, là, c'était déjà vraiment une première réponse à mes questions. Un autre musicien. J'ai tendance à penser qu'être inspiré, c'est quelque chose comme s'asseoir et attendre que les idées viennent à vous. Cela arrive de temps en temps. Parfois, je marche dans la rue et de manière soudaine, j'entends un fragment de musique que je peux ensuite travailler pour en faire une chanson. Mais généralement, ce n'est pas ça du tout. C'est comme voir un fantôme. Les idées sont là, à demi formées. Ensuite, il faut être dans le bon état d'esprit pour les saisir et qu'elles travaillent en vous. Une chorégraphe. D'habitude, je ne suis consciente d'avoir été inspirée qu'à la fin du processus de création, ou même beaucoup plus tard. Directeur de théâtre, l'inspiration peut arriver n'importe quand, même après le sentiment d'être allé nulle part. Mais persévère, sans trop forcer, et fais confiance au fait que tu trouveras ta voie. Et puis encore un dernier, voilà. Michael Haneke, dont on parle beaucoup en ce moment, à cause de son film. Mes films, ça part toujours de quelque chose qui m'énerve, qui me fait enrager. Mais à vrai dire, tous les films que j'écris, ça vient d'une chose que je ne comprends pas vraiment. Le cinéaste. Pardon. Il va en parler de deux. Il va parler de. Alors, il donne l'exemple. Le ruban blanc est né du désir de faire un film sur un cœur d'enfant blond. D'enfant blond. Je ne sais pas d'où cela m'est venu. Avec le temps, les idées, les situations s'accumulent, ça s'enrichit, et lentement, comme dit Stendhal dans son essai sur l'amour, un phénomène de cristallisation s'opère. Et la branche posée sur le rebord de la fenêtre se met à briller. À propos du film Amour, le plus récent, l'intervieweur évoque le fait que l'appartement est la réplique de l'appartement de ses parents à lui, de Michael Haneke. Donc il a vraiment reproduit l'appartement de ses parents. Il demande pourquoi. Parce que la connaissance de la topographie était à même de me donner des idées. De familiers qui pouvaient quand même finalement donner des idées. Voilà, et puis après il continue à quitter. Alors je me risque à une toute petite synthèse, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais avec des choses qui relèvent d'autres exemples, mais je ne les ai pas tous donnés pour aller un peu plus court. L'inspiration donc, est appréhendée le plus souvent comme l'advenue d'une idée, un travail souterrain dans les profondeurs, et qui au jour de la maturation vient toujours. Un travail de l'idée qui ne fait pas l'économie de l'initiative, de la recherche personnelle, de la mise en forme et de la configuration dans la liberté d'un fait. On l'a entendu aussi, l'inspiration se révèle aussi à certains a posteriori. C'est en jetant un regard rétrospectif que l'on peut être amené à reconnaître avoir été inspiré. Regarde en arrière. On l'a quand même bien entendu aussi, cette inspiration se trouve, ou l'idée se trouve suscitée par un ailleurs, par une altérité mais qui peut être familière, et appelle à une singularité personnelle, mettant en relief par l'œuvre produite une interpellation qui ouvre à d'autres questionnements. Ce qui peut rendre difficile, finalement, c'est comme ça que je voyais la chose, ce qui peut rendre difficile d'évaluer, finalement, la part de la responsabilité de l'extériorité à l'œuvre dans l'esprit humain, et celle de la part pratique, proprement productive, de l'artiste. Alors on pourrait aller plus loin, mais moi je n'ai pas répondu à la question que je me pose, c'est qu'est-ce que signifierait manquer d'inspiration ? On essaye de... Qu'est-ce que ça voudrait dire ? On pourrait peut-être encore creuser. Et donc à la fois cette extériorité, et puis cette liberté du faire, cette qui produit une œuvre qui va faire son chemin, petit à petit. En théologie biblique, ça c'était donc le deuxième champ. Alors on sait tous... L'homme, bibliquement, il est amené à se laisser conduire par l'esprit. C'est un petit peu ce vocabulaire-là qu'on a. Hein. Se laisser conduire par l'esprit, étant entendu qu'il s'agit de l'esprit de Dieu. Donc je parle moi, en tout cas, de l'esprit de Dieu. Alors, de la liberté. Comment appréhender la liberté de l'homme ? Y a-t-il une liberté de l'homme qui se laisse conduire par l'esprit ? Je vais aller directement. Je me suis dit qu'il y avait... Il y a pour moi un verset très emblématique, c'est ce verset que l'on trouve dans l'entretien de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean. On a ce fameux verset, « Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Hein » On connaît très très bien ce verset. Alors, je dirais, le sens s'impose de lui-même, n'est-ce pas, puisque l'esprit comparé à un souffle, on peut y attacher... Tout ce qui se rattache au souffle, ton caractère insaisissable, bien que réel, puisqu'on entend sa voix, une certaine fluidité, mais aussi quelque chose dont on n'a ni l'origine ni la destination. Mais on sait bien aussi que ce qui est le plus intéressant dans ce verset, c'est pas ça. C'est pas tant la métaphore du souffle que la suite. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Et donc, moi, ce qui me semble très important, c'est que cet homme inspiré, l'homme à l'image de l'Esprit qui le pousse, qui le soucie, qui le porte, se révèle lui-même comme insaisissable, en devenir, en mouvement, dont son origine et sa destination échappent à l'entendement, voire à l'appréhension. Et je ne sais pas si on mesure à quel point ce verset est puissant par rapport à la compréhension que nous avons de l'homme poussé par l'esprit. La liberté de l'esprit, la liberté de l'homme dans l'esprit se situe donc, à mon avis, dans une dialectique, mais j'emploie les mots avec beaucoup de circonspection. L'homme est appelé à être conduit d'une part, mais d'autre part, l'homme est conduit par un esprit libre, qui appelle donc l'homme à la liberté. Donc ça, c'est une chose qui me semble vraiment très importante, même si peut-être on a l'habitude de l'entendre. Je reviens par là aussi sur la dénomination de l'homme comme temple de l'esprit que nous connaissons bien en intervention 6. Mais cette question de la liberté, elle a quelque chose à voir, elle a quelque chose de la... Là, j'emploie une expression de Pierre Gisèle, avec une subversion de l'esprit. Gisèle écrit « L'esprit préside à un dépassement de données figées, de prescriptions extérieures, d'une soumission à la loi, de ritualités héritées, des règles de l'appartenance à un corps social ou à une collectivité donnée. L'esprit a originairement partie liée à la liberté, voire à la transgression, à une certaine intériorisation en tout cas, et à une affirmation personnelle singulière. Si bien que, aussi dans cette liberté, l'esprit participe également d'un accomplissement de la personne. Mais la thématique de la liberté ne saurait se réduire à la transgression. On sait bien, nous savons, que le vocabulaire de la liberté chrétienne s'articule aussi de manière dialectique à celle de l'esclavage. S'il s'agit pour l'homme, biblique, d'être libre, il est libre pour se lier au Christ. Et il y a ce jeu entre liberté et esclavage dans la théologie pauline qui est très très, très important. Et donc, j'ai envie de dire que l'homme poussé par l'esprit trouve en Christ par la foi son accomplissement d'homme et le lieu de son renouvellement Bon, je passe un petit peu plus loin pour dire des choses encore moins au milieu de vous, mais tout de même pour synthétiser un petit peu, la manifestation de l'esprit, nous le savons, est aléatoire, et là je pense à la fois au domaine biblique, mais à ce que nous pouvons entendre les uns et les autres dans le domaine de la théologie pratique, dans l'expérience croyante. La manifestation de l'esprit, elle peut prendre la forme soit d'une irruption, d'une parole ou d'un événement qui fait subitement sens, à l'image du chemin de Damas, il y a des gens qui sont capables de rendre compte d'une telle expérience dans leur propre vie. Et en même temps, on sait aussi que la présence de l'esprit peut prendre la forme d'une présence plus en filigrane, imperceptible, comme une trajectoire qui porte quelqu'un au long de sa vie et qui peut-être aussi, avec ce regard introspectif, amène à confesser qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. On sait aussi, et là c'est vraiment un rappel, mais bon, les rappels parfois font du bien, il y a toute la question des dons de l'esprit, des charismes que nous avons en 1 Corinthiens 12. Et vous savez que le don de l'esprit, c'est peut-être une différence, je ne sais pas, avec le milieu artistique, vous savez que ces dons sont étroitement articulés à l'édification de la communauté. Et donc la singularité des dons doit être placé au service de l'édification de la collectivité ecclésiale. Je rappelle juste ces quelques versets qui prennent plus d'ampleur dans le sujet qui nous occupe. Cherchez à être inspiré, et le plus possible, puisque cela vous attire, mais que ce soit pour l'édification de l'Assemblée. Que faire donc? Je prierai instamment par l'Esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai inspiré par l'esprit, mais je chanterai de façon intelligible. Car si l'inspiration est seule à l'œuvre, quand tu prononces une bénédiction, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il dire amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est la question du rapport entre l'inspiration et l'intelligibilité de l'œuvre inspirée. Petite conclusion, une terminologie commune de l'inspiration alimente donc une ambiguïté quant à l'identification d'une extériorité agissante, d'un ailleurs qui surgit et prend forme. Cette ambiguïté devrait-elle être levée? Ce n'est pas certain. Il relève après tout de la liberté personnelle de chacun de procéder pour lui-même à cette identification, d'attribuer cette inspiration à un autre, spécifié ou non. Et cette ambiguïté peut-être toucher l'œuvre artistique elle-même quand elle peut se prêter à une double lecture. Et là, je cite Rothko, citation intéressante, j'ai trouvé intéressante. Mes peintures sont quelquefois décrites comme des façades, et vraiment, ce sont des façades. Ce ne sont pas des peintures. Si les gens veulent des expériences sacrées, ils les trouveront ici. S'ils veulent des expériences profanes, ils les trouveront aussi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Écoute, je suis d'autant plus reconnaissant de ce petit travail sur esprit, corps et esprit, qu'effectivement, l'esprit est vraiment, alors avec ce que la difficulté de définir plus précisément ce qui est derrière, est une des sources d'inspiration des artistes contemporains. Ils le disent, je dirais, ceux qui se confrontent à cette spiritualité, l'esprit est souvent un des vecteurs de cette rencontre. Et un des meilleurs témoignages est le livre qui a maintenant 100 ans de Kandinsky, Du spirituel dans l'art, qui est sans cesse réédité, c'est un best-seller depuis un siècle, Du spirituel dans l'art, et il parle bien de l'esprit sous cette double forme, c'est-à-dire l'esprit, une source d'inspiration qui vient de mon monde intérieur, mais aussi quelque chose qui me dépasse et que je reçois l'expression, la reconnaissance d'une transcendance, avec de temps en temps des références bibliques, de temps en temps des références plus philosophiques, parfois théosophiques aussi, puisque dans le monde de l'art, il n'y a pas de frontières. Donc, je veux dire, les références peuvent se rencontrer, se cumuler, on n'est pas dans une logique de la rationalité pure. C'est-à-dire que les artistes, ça leur pose aucun problème de puiser dans le domaine biblique, dans le domaine philosophique, dans le politique, et de faire un mélange de tout ça. Et ensuite, c'est le message c'est l'œuvre qui va parler d'elle. Alors, ce que je voudrais, peut-être cette dernière partie, puis après on va vous donner la parole, juste montrer les grandes articulations de ce travail, puisqu'il y avait une logique, pour vous aider dans sa réception. Donc l'idée, c'était effectivement de faire se rencontrer ces deux mondes, le monde de la pensée, de la théologie, et le monde des arts et de l'art contemporain, comment ces deux peuvent entrer en dialogue, s'éclairer mutuellement, en partant des démarches qui sont spécifiques à chacun de ces mondes. Et quand je dis la théologie, c'est même plus les sciences humaines, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement rester entre nous. Donc il fallait, si on voulait avoir ce dialogue en vérité avec ce monde des arts, faire appel à des penseurs qui nous sont proches, qui sont le monde de la philosophie, mais aussi la psychologie. C'est pour ça que nous avons deux psychologues, puisque quand on parle d'art, de création, d'image, c'est aussi le monde intérieur, les images qui nous habitent, et on s'est dit, là on voit nos limites, donc on doit faire appel à ceux qui travaillent sur les images intérieures, du monde intérieur, et on a deux psychologues qui ont écrit là-dessus, et évidemment aussi des historiens d'art, c'est-à-dire des historiens de l'art, et même de l'art contemporain, qui peuvent nous proposer des clés d'interprétation, des clés de compréhension, puisqu'on doit passer, je dirais, l'art est un langage qui doit être décodé, interprété. Et ça, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le livre, c'est qu'on a deux historiens d'art, un de Bâle et une parisienne qui enseigne ici à Strasbourg, mais ils sont interprètes de l'art contemporain, donc ils ont le même champ d'études, mais avec une sensibilité très différente. Et le Bâlois est beaucoup plus à l'aise avec le religieux que la parisienne, donc derrière il y a aussi des références culturelles qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc là employer positivement des expressions, s'appuyer sur le patrimoine religieux d'un point de vue positif, alors que l'autre l'écartait. Donc il y a derrière aussi des références à des cultures qui sont, je dirais, en France on est mal à l'aise avec avec le religieux dans le monde des arts, c'est un peu un problème, alors que dans le monde germanique, disons, le dialogue se fait plus facilement. Donc on a vu un peu, alors qu'ils travaillent sur le même patrimoine, si vous voulez, les interprétations sont assez différentes. Ils dépendent eux-mêmes de contextes dans lesquels ils travaillent. Et la cohabitation de ces deux lectures, elle me semble assez significative, assez symptomatique. Donc j'ai parlé des psychologues. Nous avons deux psychologues qui nous ont parlé de l'importance du monde des images intérieures, et même deux psychologues. Là aussi, on pourrait faire la comparaison entre une psychologie beaucoup plus neutre et une approche plus ouverte aux religieux. C'est le cas du psychologue allemand qui enseigne à l'université Humboldt à Berlin et qui nous a montré qu'il y a en Allemagne même des chaires de psychologie religieuse. C'est une sous-matière de la psychologie. Il y a ceux qui travaillent véritablement en tant que psychologue sur les images de Dieu qui nous habitent, alors en positif et en négatif. Alors il se trouve que lui a travaillé de manière clinique aussi, avec des comptes rendus de clinique, où on a des psychologues qui utilisent ce que disent les patients des images de Dieu qui les habitent, soit pour les aider à guérir de ces images quand elles sont nocives, quand elles sont négatives, quand c'est une image qui culpabilisante, qui enferme, ou alors au contraire s'appuyer sur ces images en positivité quand elles leur donnent des images de libération, des images d'espérance. Et donc là, on a aussi un exemple de ces deux approches psychologiques, une beaucoup plus neutre, voire plus réticente dès qu'on aborde le domaine du religieux. C'est évidemment ce qui se passe chez nous. Et puis une où on est, où on prend cette question comme une donnée existante et qui doit être prise en considération, de même qu'on prend tous les autres paramètres qui font partie de la personne. Et en contrepoint de ça, on a, alors c'est pas un psychologue, mais il va confirmer un peu cela, c'est un praticien, en fait, un catholique, Olivier Roy, qui travaille sur le domaine des images. Alain Roy, c'est pas Olivier, Olivier c'est Alain Roy, et qui a montré comment ces images. Alors on en a trois illustrations, parce qu'on n'a pas pu tout illustrer, mais on en a trois. Ça, c'est aussi dépend des droits d'auteur. On a trois images de Dieu issues de catéchismes catholiques du début du XXe siècle. Et c'est absolument effrayant. C'est un peu effrayant ce que nous disent ces images. Je veux dire, c'est une culpabilisation de l'homme, une ségrégation, une image très machiste, puisque la femme représente tout ce qu'il y a de mauvais. Alors là, il a été... Et ça a imprégné des générations et des générations de croyants, de gens qui apprenaient, pour eux, on leur apprenait que Dieu c'était ça, c'était ces images qu'ils voyaient. Donc, vous voyez là, c'était vraiment le côté. Alors, comment faire pour sortir de ces images qui nous ont forgés, qui nous ont formés, qui, dans un sens évidemment tout à fait contraire au message de libération de l'Évangile. Voilà, donc on a, disons, l'aide de ces disciplines annexes sans lesquelles on ne peut pas, je crois, penser véritablement ce lien entre l'art contemporain et une spiritualité même ancrée bibliquement. J'ajoute qu'on a peut-être le passage le plus intéressant, c'est le philosophe Daniel Payot, qui est aussi un de nos maires adjoints, qui a fait un très beau texte sur un inédit d'Adorno, du philosophe Adorno, sur dialogue entre art et religion, où il montre que derrière une apparence, un apparent refus du religieux dans la conception de l'art qu'a Adorno, il y a en fait un désir de religieux. Et ça, c'est une pensée dialectique, une pensée dialectique qui est aussi très symptomatique de l'école de Francfort, mais que derrière cette négativité, ce détachement apparent, il y a en fait un désir de reprendre ce dialogue sur d'autres bases. Sur d'autres bases. Pas lié à une dogmatique, pas lié à une tradition qui a fixé les choses, mais repartir du questionnement humain dans sa plénitude. Alors là, je vous invite à travailler sur ce texte, parce que là, il a fait un travail très très approfondi et inédit sur ce texte, qui pour lui est non seulement un fondement d'une esthétique contemporaine, parce qu'Adorno était le premier qui a soutenu la thèse de l'autonomie complète de l'art. L'art est autonome, enfin, c'est un peu dans la ligne kantienne, autonome par rapport à tout discours, toute idéologie qui voudrait se défaire. Mais dans cette autonomie-là, l'art est religieux, dans cette autonomie qu'il revendique. Et ça, c'est donc, on a là chez Adorno, je crois, un penseur qui peut nous aider à aller très loin. Alors, j'arrive aux biblistes et aux théologiens, puisqu'ils sont aussi très représentés dans ce volume, et on a voulu laisser la place à la fois à des biblistes, et à des praticiens, finalement, hein, des praticiens. Alors, les biblistes, juste deux mots, on a beaucoup analysé le rapport entre art et religieux. Alors, cette fois-ci, un religieux plus lié au récit biblique, donc assez ancré dans la tradition chrétienne, à travers l'iconographie biblique. Hein, l'iconographie biblique, c'est-à-dire en quoi l'histoire de la réception, en quoi les récits bibliques ont donné lieu à des réinterprétations successives qui sont musicales, verbales, mais aussi visuelles. Hein, c'est tout le patrimoine. Alors ça, c'est un peu dans cette ligne qu'a défendu Christian Grapp, qui s'est intéressé aux réceptions artistiques d'un corpus biblique particulier, ça va être la rencontre de Jésus et Marie-Madeleine, ainsi de la résurrection. Mais on a voulu aussi aller au-delà et essayer d'envisager ce dialogue entre les textes bibliques et l'art, pas simplement comme l'art, comme une relecture des textes, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'artistique en amont des textes eux-mêmes, à leur origine, qui sont là au moment même où ces textes, même avant qu'ils deviennent, ces paroles qu'elles deviennent textes, mais qu'elles sont dans l'imaginaire. Et ça, on a une collègue bibliste, Régine Hunziker-Rodwald, qui travaille beaucoup sur la pragmatique de la communication, sur l'imaginaire des psaumes, puisque les psaumes ont été un de nos corpus, mais ce qui y avait derrière ce langage des psaumes, les images du monde intérieur de ces auteurs qui écrivaient et qui étaient beaucoup plus influencés qu'il n'y paraît par le monde des représentations des deux grandes civilisations visuelles qui entouraient Israël, c'est-à-dire l'Égypte et la Mésopotamie. Hein. Ça, alors elle se travaille dans la ligne de l'école de Otmar Kehl à Fribourg Suisse, hein, qui montrait que si on veut bien comprendre la performativité de ces paroles, en particulier des paroles des psaumes, il faut connaître hein, les symboles et les images d'où sont tirées ces paroles. Hein, quand on dit « Seigneur, je me réfugie à l'ombre de tes ailes hein, », eh bien, ce n'est pas qu'une métaphore, c'était qu'il y avait des représentations des dieux ailés dans lesquels se réfugiait le dieu protecteur, etc., et qui a été reprise, même si ça a été changé de sens, aussi dans l'imaginaire biblique. Voilà, moi j'ai moi-même travaillé un peu sur l'herméneutique biblique et j'ai essayé de montrer comment dans chez différents interprètes de la Bible, j'ai pris Paul Ricoeur et Paul Beauchamp, hein, et il y avait le langage de la métaphore, la visualisation faisait partie d'un élément à prendre en compte dans notre processus d'interprétation du texte. Hein, on n'est pas que dans la logique, on est aussi dans la nécessité d'accueillir en nous ce moment de qui va dépasser le verbal, qui va dépasser le cognitif, hein, et qui va faire que les paroles sont performatives, vont avoir un effet sur nous. Et puis on termine par, on a voulu aussi aborder la pratique, c'est-à-dire est-ce que dans le témoignage, la vie des églises aujourd'hui, il y a de l'artistique, et comment ça se passe? Et là on a laissé la parole à deux pasteurs de l'UEPA, qui, par un malheureux hasard, ne le sont plus, enfin, ne sont plus, sauf pour l'instant de l'EHPAD, ne sont plus pasteurs des lieux où ils ont opéré, c'est-à-dire deux pasteurs strasbourgeois. On avait Jacques Parmentier et puis Bruno Jousselin, qui, l'un et l'autre, ont fait ont accueilli des œuvres d'art, des représentations, des réalisations artistiques, dans soit une démarche catéchétique pour Jacques Parmentier, soit dans une démarche plus d'ouverture, de témoignage, de présence au monde, pour le travail qu'avait fait Bruno Jousselin. Juste par rapport à Jacques Parmentier, il y a une expérience assez intéressante qu'il raconte quand il est à la croisée des chemins, c'est-à-dire ces kits de survie artistique. Alors là, on est dans toute autre forme d'art, mais quand il a imaginé un échange entre des enfants ici de Strasbourg et des enfants d'un pays africain, je crois que c'était le Congo Kinshasa, hein, où ils s'échangeaient des petits objets fabriqués avec les moyens du bord, avec ce qu'ils avaient. Donc évidemment, l'Européen fabriquait un objet un peu plus cher, mais l'Africain qui n'avait pas grand-chose, hein, il prenait de ce qu'il avait, des boîtes de conserve, etc. Il en faisait un objet artistique. J'ai un petit clin d'œil à ce qui s'est passé il y a 15 jours au Palais universitaire, où on a eu le Brick Art de Ambroise Monod, qui, alors là, a déployé et même inventé ce concept alors qu'il était aumônier universitaire à Strasbourg dans les années 70. Et il dit très bien, j'ai inventé ça quand j'ai vécu les 18 premières années de ma vie en Afrique. Hein, et c'est en Afrique, en voyant ces enfants africains faire une création avec tout ce qui traînait dans la rue, n'importe quoi, et bien c'est là que j'ai eu l'idée de prendre l'objet banal, l'objet rejeté, l'objet des détritus, pour en faire quelque chose de l'ordre d'une création. Donc voilà, il y avait aussi cette ambition qui était la nôtre de dire... Si on essaie d'avoir cette réflexion, c'est aussi dans l'optique de se dire comment témoigner aujourd'hui de la parole de Dieu par d'autres canaux que ce qu'on connaît, hein, par d'autres médias, d'autres moyens. Et je termine par une étude très intéressante de Bert Fulmy, qui est musicologue et notre spécialiste de musique, qui a montré que, parce qu'on m'a voulu laisser aussi la place à la musique, mais qu'il se passait exactement la même chose dans le domaine de la musique que dans le domaine des arts plastiques. Du reste, aujourd'hui, tout est dans tout, hein, puisque les artistes mettent des morceaux sonores dans de la vidéo, dans des installations, etc. D'ailleurs, les artistes se disent aujourd'hui plasticiens. Le grand mot, c'est on est plasticien, c'est-à-dire on travaille avec de la matière. Hein, et la matière, elle peut être sonore, verbale, elle peut être plastique, etc. Et donc, Bert Fulmy a montré aussi comment il y a eu dans l'histoire de l'Église, il a travaillé sur... différents corpus, toujours cette revendication des artistes d'avoir un langage qui leur était spécifique, qui était le leur, et ça je crois que c'est quelque chose qui est assez fort dans l'art contemporain, il est d'abord lui-même l'artiste, avant d'être le témoin de quelque chose, c'est ce qu'il a à dire, mais ce n'est pas incompatible avec le fait que c'est une création très personnelle, qui doit donc, pour être comprise, être passée par le filtre de ce qu'a voulu dire le créateur, ce qu'il a voulu faire. Hein, c'est que quand on a la chance d'avoir la création et le créateur, eh bien c'est parfait parce que vous s'engager. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait une certaine transcendance, c'est-à-dire que le message, l'œuvre invite à un dépassement, elle est au-delà de simplement le seul témoignage de ce qu'a voulu faire l'artiste. Hein, c'est même la propriété, la caractéristique de l'œuvre d'art, c'est qu'elle dit toujours plus, hein, et qu'il y a cette ouverture à la transcendance, à Dieu, à la spiritualité. Au sacré sont des mots que j'utilise ici de manière un peu synonyme, on pourrait introduire des différences entre eux, mais en tout cas, c'est assez évident qu'aujourd'hui, ce sont des mots qui ne sont plus tabous dans le monde de la création contemporaine. Les artistes eux-mêmes le revendiquent, l'assument, et parfois nous demandent, et là, la boucle est bouclée quand on y arrive, c'est-à-dire qu'ils viennent nous dire, mais je suis arrivé à un certain moment de ma création où j'aurais besoin d'un théologien. Hein, certains disent d'un philosophe ou d'un théologien pour m'aider à préciser ces concepts que je manie d'une certaine manière, mais dont à un moment j'ai besoin de les comprendre plus historiquement, ou de manière philosophiquement ou théologiquement. Ce qui m'est arrivé l'année dernière où un photographe qui exposait à la Bibliothèque nationale à Paris. Joel Peter Witkin a voulu avoir un théologien qui commente ses œuvres dans son catalogue. Et alors la directrice de la Bibliothèque nationale de Paris dit, attendez, oui, mais je veux trouver des philosophes. Non, mais je veux un théologien, un philosophe, un théologien. Quand tu dis la Bible, etc. Je crois, à Paris, ils ont cru qu'ils se trompaient. Et puis, quand la troisième fois, ils disent, non, mais moi, je veux un théologien. Alors, ils ont été très, très embêtés. Il y a un théologien qui... finalement, la commande est arrivée jusqu'à moi, après pas mal de temps, et le dialogue s'est engagé, et c'est très bien. Et c'est pas un cas unique, si vous voulez, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent, et voilà. Voilà, mais on a beaucoup parlé maintenant, peut-être on va vous laisser la parole, en pensant à ce spectacle de Castellucci qui a lieu en ce moment, à d'autres éléments, voilà, à vous de vous exprimer. En tout cas, merci d'être venu et de votre écoute attentive. Bettina Chalère a parlé beaucoup de l'inspiration, hein, de ses origines, etc. Est-ce qu'il y a... Oui, nous sommes, la plupart d'entre nous, peut-être des gens qui parlent sur les artistes. Ouais. Hein, et il faudrait, disons, comme l'enquête les laisser parler. Et je ne sais pas s'il y en a maintenant parmi nous, quand même, quelques-uns, ils ne sont peut-être pas seulement des penseurs qui pensent sur les autres, Et qu'est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils se sont retrouvés un peu dans ce que disait Bettina? S'il y a des artistes parmi nous, des créateurs... Dans les... pour ajouter éventuellement un autre, une autre approche par rapport à... C'est peut-être, un peu tôt pour le dire, parce qu'en fait, notre ouvrage, on va voir comment il va être reçu dans le monde des arts. Ça on ne le sait pas encore. Vu qu'on n'avait pas vraiment... Enfin, on avait des artistes qui étaient là dans le colloque, mais on n'en a pas qui se sont exprimés en tant que... Ils étaient très contents du colloque, moi aussi, mais il y avait là une petite frustration quand même par rapport aux artistes présents. De ne pas pouvoir s'exprimer plus. Qu'ils ne soient pas plus présents en tant que tels, quoi. Oui, voilà. Voilà, hein, je suis assez d'accord. C'est un problème difficile, l'inspiration, oui, c'est vrai. Mais on a eu des artistes, effectivement, qui étaient... un certain nombre qui étaient assez... tout ça, c'est à reprendre, effectivement. Chacun d'entre nous a ses idées, bien sûr, là-dessus. Et comme je suis souvent en contact avec des artistes, je ne sais pas non plus... Il y a des choses quoi qui sont peut-être qui se retrouvent chez chacun. Bien sûr, ils sont quand même toujours au contact de la culture, parfois très primaire, mais enfin, ils ont eu des impulsions de ci de là. Ils ont eu des impulsions de ci de là, et je crois que il est nécessaire qu'ils continuent à avoir des impulsions, à la fois par le film, par les livres, et par les contacts. Les contacts des artistes entre eux, de plus en plus, n'est-ce pas, quand on voit les biographies ou les écoles, n'est-ce pas, les écoles françaises, etc., c'était quand même des artistes qui travaillaient souvent dans des ateliers qui se retrouvaient alors, disons la boisson aussi et de mais là peut-être je peux quand même apporter un témoignage parce que moi je travaille quand même avec beaucoup d'artistes que j'en expose pas mal à Paris je fais partie d'une équipe qui expose des artistes dont certains sont assez connus sur Paris au moins 3 fois par an. Et je suis surpris, moi, de voir à quel point ils sont désireux d'une recherche aussi conceptuelle. C'est-à-dire que les artistes, ils sont très cultivés. Ils lisent des philosophes, ils lisent alors beaucoup la philosophie, beaucoup Jung. Jung est très, très apprécié chez les artistes, évidemment, les archétypes, etc. Et maintenant, ça va dans les mystiques aussi, beaucoup les mystiques. Donc la pensée mystique, etc., ça plaît beaucoup. Évidemment, vous voyez, une pensée ouverte à Dieu, mais qui n'est pas canalisée dans des dogmatisées, etc. Et alors, même certains de la Bible, j'ai rencontré un artiste qui est assez connu actuellement, qui va bientôt exposer, je pense, à Rome. Et j'ai rencontré, elle a fait un travail, une mosaïque en suspension, ça s'appelle une mosaïque en suspension. C'est assez étonnant, c'est des tesselles de mosaïque qui sont liés à des fils invisibles et qui donnent une impression de volume, mais en même temps aussi de transparence, etc. Et elle a fait une œuvre assez exceptionnelle qui a été exposée en plusieurs lieux à Paris, qui s'appelle Résurrection. Et cette personne, Résurrection, avec quelqu'un, ça a vraiment une forme humaine avec des bras en croix. Et quand j'ai rencontré Tandis, elle m'a dit, mais en fait, non, moi je ne suis pas chrétienne, et je ne connais pas la Bible, je n'ai jamais eu l'occasion, etc. Et je lui ai dit, c'est quand même étonnant. Vous ayez employé le mot résurrection, c'est quand même un mot très connu. Oui, mais en fait, c'est ma résurrection. C'est-à-dire que moi, je suis passé de la mort à la vie, parce que voilà, c'est par un travail, une psychanalyse qui m'a fait renaître, etc. Donc j'ai retrouvé la vie, j'avais perdu le goût de vivre, etc. Donc j'ai ressuscité. Voilà. Donc c'est très anthropologique. Dit oui, mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Parce que j'ai dit, vous auriez pu l'appeler renaissance ou retour à la vie. Pourquoi résurrection, quand même, le mot, il est très court. Et puis pourquoi, c'est vraiment quoi? Elle dit oui, c'est quand même un appel. C'est quand même un appel à. Je pense que derrière mon expérience, il y a une parole qui m'a été adressée, etc. Je dis, mais enfin, c'est fantastique. Ça. Vous êtes en train de faire un commentaire des épîques pauliniennes. Ah bon, c'est quoi ça? Ça se dit, oui, c'est la Bible. Enfin, j'aurais eu une Bible avec moi, on l'ouvrait, on le lisait ensemble. Mais il y avait une telle demande, si vous voulez, que ben voilà, il faut qu'il y ait un interprète, il faut qu'il y ait un témoin, qu'il y ait quelqu'un qui puisse... on nous tend la main, parfois on nous tend la main dans ces milieux, et ben il faut saisir cette main tendue, je crois, et continuer ce dialogue. Et il peut se faire... Alors c'est pas bien sûr que c'est par des masses, c'est toujours très personnalisé, individualisé, mais c'est vraiment des réalités. Je crois qu'il y a dans ce monde des arts une attente, un désir, volonté d'aller plus loin. Je vous donne un deuxième exemple, je prépare un autre colloque, où alors là les artistes seront peut-être moins frustrés parce qu'ils vont être présents au mois d'avril sur le CRIS dans la photographie contemporaine, donc contemporaine des 10 dernières années, hein, des grands photographes ont utilisé des métaphores du CRIS, etc. Mais pour vous dire, j'ai dû arrêter, il y a eu une telle demande d'artistes, de photographes, qu'à un moment j'ai dit stop. Parce que je dis, on peut pas faire, c'est pas... moi j'en voulais 2 ou 3, j'ai arrêté à 5, mais j'en ai eu plus. Je dis, c'est quand même assez étonnant que ces gens veulent... soient intéressés. C'est quand même un colloque universitaire en théologie. Eh bien, ils sont prêts à venir de Paris, de Lausanne, etc. Parce que dans leur photographie, c'est une thématique qu'ils rencontrent ou qu'ils créent. Et du coup, ça leur pose des questions et ils ont envie d'en savoir plus et d'aller plus loin. Et du coup, bon, sur le Christ, là, alors pour le coup, on va plus facilement aller voir des théologiens que des philosophes. Il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, je pense. Je crois que c'est à nous d'être. C'est ce qu'on a voulu faire aussi dans ce travail, c'est montrer que on avait le monde de la théologie avait été suffisamment ouvert pour pouvoir. Offrir des possibilités d'aller un peu plus loin dans ce dialogue, de même que, effectivement, ces artistes, eux, nous font nous déplacer un peu quand même par rapport à une théologie qui a été trop liée au verbe, trop liée à l'écrit, à la parole, hein, et a trop dédié les matérialités, le monde des objets, de la création. Toujours à cause du soupçon d'idolâtrie, alors qu'il se joue, il se passe quelque chose de très intéressant là, anthropologiquement, hein, accueillir cette création, c'est accueillir l'être humain, et je crois qu'on a de quoi aller plus loin, et nous-mêmes être aussi un peu déplacés dans ce dialogue. Hein, c'est assez important. Oui, Julie ? Ça va être peut-être un témoignage personnel, mais je suis convaincue que l'art et la spiritualité sont liés. Et je ne sais pas si je peux parler de moi. Donc j'ai fait des études de théologie jusqu'à la maîtrise. Et ensuite j'ai appris, j'ai évolué dans un domaine artistique, plutôt artisanal, mais aussi dans la création artistique. Puisque j'ai appris un métier manuel, celui de potier, céramiste. Et pour moi, il y avait ma famille, vu de l'extérieur, j'avais arrêter quelque chose pour commencer autre chose, alors que pour moi il y avait une continuité. Ah ouais. Ouais. Je l'ai vraiment vécu, ouais, comme une continuité. C'était une autre manière de vivre la théologie, les textes bibliques. Et vous dites que vous l'avez vécu parce que vous continuez à faire ces créations de céramique ou Alors pour l'instant je suis j'ai un peu avez... un tournant, enfin, ouais. C'est évidemment la boucle est bouclée. Puisque je continue, oui, mais je suis à nouveau dans... Je suis vicaire actuellement, en deuxième année, donc j'ai repris le chemin de la théologie. Mais je continue le travail de la terre, où je suis actuellement. Ah, mais c'est très important. Et vous avez l'impression que vous faites aussi de la théologie quand vous travaillez la terre. Voilà, c'est imbriqué, c'est vraiment imbriqué. Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais un temps où l'atelier fonctionnait... Dans le sens où j'accueillais beaucoup d'élèves et du coup j'avais un temps où j'avais plus ce temps de création pour moi et là j'en viens à l'inspiration et là c'était difficile pour moi de créer, d'être inspirée et pour moi l'inspiration était là quand je faisais vide, quand je faisais une pause, voilà, quand je laissais venir l'essentiel à nouveau et là j'étais inspirée à nouveau, je pouvais créer des choses nouvelles entre guillemets. Et ça j'aimerais aussi rajouter, c'est que on est dans une position d'humilité parce que voilà, quand on est inspiré, mais quand je dis humilité, c'est parce que quelque part il y a toujours quelqu'un peut-être avant nous. Voilà, on est issu de une longue tradition, et que même en croyant réinventer quelque chose, je pense qu'on n'est pas neutre. On est porté. On est porté par ceux qui nous ont précédés. Mmh. Enfin, ben, merci de ce très beau témoignage. D'ailleurs, c'est, quand on étudie le parcours d'un ensemble de ces artistes, alors là, je remonte à l'origine de l'art des avant-gardes, disons début du XXe siècle, pratiquement tous ont un moment ou un autre fait de la théologie. C'est quand même assez étonnant. Je veux dire, Mondrian, il a été quitté de famille calviniste, a même hésité entre. Après, il a existé dans la théosophie, mais à un moment, il avait une vocation de. On s'en parlait de Van Gogh, mais Franz Marc aussi était au séminaire. Il y en a. Jablinski était. Lui a toujours suivi les deux voies, etc. Paul Klee, n'en parlons pas. Et leurs récits sont très spirituels. Oui, Paul Klee, Kandinsky, Klee entendait son grand-père lui lisait des récits, peut-être bibliques en grec, du Nouveau Testament. Donc, quelque part, Giacometti, vous connaissez le petit père Giacometti, issu d'une famille calviniste de Suisse, Suisse italienne. Hein, et moi, j'ai rencontré un vieux pasteur vaudois des vallées vaudoises, qui me disait, mais moi, j'étais le pasteur de la famille Giacometti, et je connaissais la maman de. Alberto Giacometti, etc. C'était la Bible était une référence, et elle a produit des artistes, ça, exceptionnel. Des artistes qui n'ont pas fait de l'art religieux, qui ne sont jamais exprimés là-dessus, mais quand on va un petit peu au fond, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a un ressort commun. Ouais, c'est assez vrai. Hein. Donc, vous voyez, on est au-delà de la figuration, au-delà de l'iconographie, de savoir si on doit interpréter un texte comme ça. C'est dans l'acte même de création qu'il y a quelque chose qui se joue fondamentalement. Oui, en relisant un article sur Dali, j'ai pensé aussi à un personnage biblique, un peu salagué, qui était Samson, n'est-ce pas? Samson qui était inspiré. Animé par l'esprit, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait de son corps une sorte d'œuvre d'art, hein? De son corps une œuvre. Voilà. Il est boxeur, il est catcheur, il est toujours boxeur, il est sportif, etc. Et puis en même temps, il sait danser. Maintenant, il danse, et puis il fait un peu de musique, etc. Je trouve que c'est intéressant ce type-là. Donc c'est pas bien placé, hein. On l'appelle juge, mais je trouve que c'est pas. Oui, non, mais aussi. C'est une ligne qui a été travaillée par Henri Motu, par les actes des prophètes. Les actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actes des prophètes, les actes prophétiques. Ah, oui. Il y a quand les prophètes parlent, mais autrement que par la parole. Ils parlent. Voilà, parce que la parole ne marche plus, ça marche plus. Voilà. On est dans une situation bloquée, c'est ça. Où on peut dire n'importe quoi, ce sera pas reçu. Donc. Dieu demande au prophète de faire un acte qui va parler en lui-même, et qui est même absurde, qui est même souvent immoral d'ailleurs. Hein. Et chez Samson, c'est un acte iconoclaste. Et c'est effectivement un acte, alors on peut le voir comme un acte artistique, et puis c'est aussi quand même un acte inspiré, puisque il le fait au nom de quelqu'un qui lui parle. Ouais. Alors là, aujourd'hui, les formes d'art. Moi, j'ai fait il y a 3 semaines une conférence chez les Dominicains. C'était le titre. Ils m'avaient demandé les performances et installations christiques dans l'art des 10 dernières années. Il m'a fait travailler. C'était pour préparer Castellucci. Qu'est-ce qu'il nous demande des performances christiques? C'est-à-dire des. Donc, il y a deux concepts artistiques assez aujourd'hui en vogue. C'est une performance, un acte en train de se dérouler. Ou une installation, c'est-à-dire une œuvre d'art qui est liée à un contexte et à un lieu particulier, et ensuite qui n'est pas reproductible ailleurs. Et en quoi, dans ces deux formes d'art, le Christ est présent? Et puis finalement, j'ai trouvé une masse de matière, à tel point que je n'ai même pas pu tout montrer, tout expliquer, donc j'ai pris quelques exemples, etc. Mais voilà encore une source très riche de créativité. D'ailleurs, parmi ces performances christiques, j'avais évidemment inclus cet immense Christ de Castellucci du spectacle, là, qui a eu lieu cette semaine à Strasbourg, où vous aviez ce Salvator Mundi de 8 mètres de haut. Hein, donc je dis, c'est quand même assez étonnant. Des gens qui vont payer 20 euros pour être pendant une heure immobile devant un Christ qui nous regarde. c'était plein à craquer. Hein. Et il regardait ce Christ qui, lui, nous regardait. Et en fait, tout se jouait là-dedans. Bon, après, il y avait la scène scatologique, vous avez sans doute vu les recensions. Mais en fait, c'était Castellucci, là, sous le concetto di Volto nel figlio di Dio. Voilà. Mais tout se passait avec un face-à-face entre ce visage de Christ et nous. Quand même, dans une société où on ne doit pas prononcer le mot Dieu, etc., c'est étonnant. Enfin, on doit le rencontrer demain avec Castellucci, on va voir ce qu'il va nous dire là-dessus. Mais on peut décrypter voilà, tout ce qui se passe là à partir de ça. Oui, Geoffroy. Alors, la place de l'art plastique dans le culte, dans la célébration du culte. Voilà, alors bon, c'est un domaine qu'on a flaqué-fleuré, mais en tout cas, il y a les cultes autrement, c'est-à-dire, un culte pas simplement. Pas simplement avec des paroles, mais avec des images, oui, des créations, etc. Ça, il y a ça. Et puis, il y a une autre ligne. Alors ça, c'est un petit peu le praticien qui te parle, mais moi, je lis des luttes homilétiques aujourd'hui, surtout produites par nos amis allemands. Et il y a toute une ligne qui est reprendre toute l'intelligence du culte, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie le moment du culte, c'est-à-dire ce qui se passe pendant une heure, etc., sous la forme d'une espèce de dramaturgie. C'est-à-dire, c'est le culte lui-même qui est une espèce d'art, une forme d'art en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui répondent, il y a des déplacements, il y a du verbal, du non-verbal, etc. Il y a des dons et des inspirations. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est une ligne qui n'est pas qui a jamais été. Vous prenez les anciens manuels de liturgie, les anciens manuels de théologie du culte, c'était uniquement sur la prédication, le reste n'existait pas. Donc après, on a ouvert ça à le culte, il y a la prédication, mais il y a tout ce qui se passe ailleurs. Puis après, on a découvert que ce qui se passe autour, avant, après, c'est peut-être aussi important, voire plus que la prédication. Après, il y a la ligne que la prédication elle-même, elle est aussi une certaine ritualité. Et c'est pas que elle signifie pas simplement dans ce que le contenu de ce qu'il dit, mais il y a aussi dans ce qu'elle est formellement, elle va atteindre les gens. Hein, c'est l'expression, c'est les gens qui disent merci pour ce beau sermon et qui vous avez l'impression qu'ils ont rien entendu du tout, mais le sermon a été dit, la parole a été prononcée, c'est ça qui était le plus important pour ça. Donc vous voyez, on reprend ça au niveau des signifiants. Voilà, les signifiants, les matérialités, les signifiants plastiques sont à accueillir en tant que tels, hein, indépendamment même, et même en amont des significations, du signifié qui peut y avoir. En tout cas, c'est une ligne qui est très travaillée en ce moment dans la performativité du culte, effectivement. Alors là, ça se rejoint, je veux dire, un artiste qui va avoir une performance, qui va se mettre en scène, parce qu'aujourd'hui c'est très ça, et d'une manière effectivement un peu cultuelle, un peu christique, mm-hmm. Et puis le culte qui est elle-même, je dirais, peut-être un événement un peu artistique, on voit bien qu'il y a des croisements. C'est aussi dans des économies différentes, mais il y a beaucoup plus d'interactions que ce qu'on pourrait imaginer. Alors là, on touche à des concepts très, très contemporains. Ah, c'est un immense domaine de recherche et d'exploration pour lequel on était au départ pas bien outillé, hein, mais je crois qu'on est. Je vois que un peu partout on commence à s'ouvrir. Et je dirais, puisque je reviens de Rome, j'étais au Vatican la semaine dernière pour faire une conférence invitée par l'ambassadeur de France au Vatican. Donc j'avais un parterre plus ecclésiastique, plus. On était au cœur même du pouvoir romain, et je me suis vraiment rendu compte de la chance qu'on a dans le protestantisme de pouvoir avoir cette pensée libre. C'est-à-dire qu'on n'a aucune. Je veux dire, la liberté, c'est. Fais confiance, c'est le contenu qui donne la liberté, mais on n'a pas à se soumettre à qui que ce soit, et là, on nous l'envie parce que. Ça, il faut le dire, moi je voudrais le dire, mais il y en a qui souffrent, on a des théologiens qui souffrent, hein, qui aiment le dire, mais moi je ne peux pas le dire à la position juste, là, je peux le dire, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, voilà, c'était. Et ce qui est, donc les, dans les milieux catholiques, on se pose la même question, il y a aussi cette, cette capacité, cette possibilité d'ouverture, de sortir d'un langage convenu, mais on, donc il regarde avec beaucoup d'intérêt ces créations artistiques, ces dialogues qui se font parfois des très hauts niveaux, d'autres fois de manière plus modeste, mais on sent qu'il y a quand même toujours, à un moment ou l'autre, quand même l'institution qui doit reprendre la parole, et qui doit cadrer tout ça et, avec ce qu'elle est. Et ça, nous, on a une liberté dont je crois qu'il faudrait qu'on puisse être fier et bien profiter. Oui, on a une liberté, mais d'un autre côté, n'est-ce pas, nous, on se restreint nous-mêmes, n'est-ce pas, dans le fait que nous réduisons, n'est-ce pas, la parole, nous, qui vient à nous, à la prédication. C'est ça, la réduction à laquelle nous sommes trop longtemps, trop souvent, et jusqu'à maintenant encore enfermés. Là, il y a autre moyen de communication de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, il est communication, il est parole, mais il y a, je pense que Gérard Sylvain sera d'accord, il y a encore d'autres moyens de communication de Dieu. Peut-être que je sens que vous donnez la parole. Je pense que c'est présent dans les sacrements, et en partie aussi dans ce que Bettine a dit. Il y a une parole à décrypter dans le réel, au ras du réel. Je pense que c'est ce que font les artistes. N'est-ce pas ? Ils n'ont aucune culture biblique, aucune culture religieuse, mais la dimension du sacré, la dimension du mystère, la dimension de la transcendance, quelle que soit l'expression qu'ils choisissent ou qu'ils ne choisissent pas, ne leur est pas étrangère. Il m'est arrivé un jour que, lorsque j'ai visité une exposition d'un artiste que je connaissais, il m'a demandé de lui expliquer ses tableaux. Il m'a demandé à moi de lui expliquer ses tableaux, en me disant, moi je me suis expliqué, ma parole c'est le tableau, alors qu'est-ce que toi tu y vois? Tu y vois. Et ça c'est intéressant, et le dialogue est essentiel. Il faut que la parole circule entre l'artiste et, parce que le théologien, et vice-versa. Il y a, tu fais allusion à cela, il y a effectivement un rétrécissement de la compréhension de la parole, dans le sens que la parole vient de l'extérieur à nous. Mais la parole, elle est partout. Dieu est partout. Il est la dimension de transcendance du réel immanent. Et l'artiste, le poète, le musicien, le plasticien, etc., a une sensibilité particulière pour cela. Alors que nous sommes souvent, en tant que théologiens, des intellectuels qui plaquons de l'extérieur la réalité de Dieu sur un réel dans lequel Dieu est présent. Et l'artiste est un témoin, peut être un témoin prophétique. Évidemment, ces représentations que vous avez à juste titre stigmatisées, qui enferment Dieu au lieu que le réel soit ouvert. Alors, on en a mis trois. J'espère que ça ne sera pas un contre-témoignage, mais c'est d'abord pour montrer, et puis c'est aussi bassement un peu matérialiste, c'est des images sur lesquelles on n'avait pas de droit de reproduction à payer, donc vous pouvez les montrer, parce qu'il y en a qu'on a dû, on n'a pas pu le montrer, parce qu'on nous demandait des sommes considérables. Dès qu'on s'adresse à un musée qui est dépositaire des droits, et dès que c'est un artiste qui a une réputation internationale, c'est des prix vraisemblables. Alors donc on n'y arrive pas. Parce qu'il y a déjà le coût de la reproduction en quadrifoblie avec un papier glacé, etc. Et si à cela il faut ajouter le coût du copyright, et parfois il y a un double copyright, il y a pour l'auteur de l'œuvre et puis pour le lieu où elle se trouve, les dépositaires, la galerie, etc. Alors, on s'en sort plus. Et parfois, des fois, même le photographe, parce qu'on nous donne le cliché, mais le cliché, il a coûté. Donc voilà, on était. Ça, c'était un peu notre frustration. On aurait voulu avoir beaucoup plus d'images. Et dans un colloque, on peut en montrer, quand on vous montre, etc. Et bon, qu'est-ce qu'on peut. On en a quelques-unes. Et là, ces images négatives culpabilisantes, comme c'était en recherche de. Il n'y a pas de droit d'auteur, on ne sait pas qui les a faites, d'ailleurs. Voilà. Bon. On va aller mieux souvent lorsqu'on. Par contre, je vais la prolonger, mais. Mais finalement, beaucoup de choses que tu viens de dire s'appliquent également au domaine de l'éducation en général et de la catéchèse en particulier. Quand je vois, quand je discute avec des enseignants dans les établissements scolaires... C'est l'image culpabilisante, là. Sur les images en général, et qu'on voit un peu l'histoire. Hein, tu regardes un peu les livres des années 1940, 50, 60, et aujourd'hui, on est beaucoup plus vigilant. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis l'aspect aussi de la présence de l'art sous toutes ses formes dans l'enseignement et dans l'éducation, aussi la catéchèse. Ça, c'est vraiment important. Là, il y a vraiment quelque chose qui se développe. Et c'est là, encore une fois, il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Il y a à la fois des apports, mais il y a aussi la liberté qu'on essaye de favoriser au niveau de la créativité de l'élève, en disant que par ce biais-là aussi, il va s'approprier des notions. Il va les comprendre peut-être un peu autrement, mais il va mieux pouvoir les cerner. Et là, je crois qu'il y a vraiment des choses à faire, à rechercher. On le voit un peu, notamment aussi dans le domaine catéchétique. Il y a de plus en plus maintenant, ce que toi tu viens de dire et de faire, Régine, il y a de plus en plus de domaines où des personnes qui sont à la fois des personnes engagées dans l'Église et des artistes avec des compétences particulières qui essayent de mettre ces compétences au service pas seulement du texte biblique, mais au service de la catéchèse. Ouais. Et là, je crois qu'il y a vraiment des choses à creuser encore. Ouais. C'est-à-dire qu'on a... Ça a été évidemment un grand problème de l'Église. On a trop, pendant tous les siècles dits de l'art chrétien, l'art était trop longtemps vécu comme une espèce d'illustration de quelque chose qui lui était extérieur. Ça servait un peu de faire-valoir. Il fallait illustrer le texte, mais c'est là que j'étais au service d'eux. Et c'est pour ça que c'est... L'art contemporain avec ce concept d'autonomie de l'art qui a été très pensé par Adorno et ensuite revendiqué par... C'est-à-dire que l'art ne dépend pas d'une philosophie quelconque, d'une pensée religieuse, etc. Et l'art se suffit lui-même, c'est un langage plein, etc. Il fallait aussi, je pense qu'il fallait à un moment passer par ce moment de rupture. Enfin, ça, c'est une thèse que j'ai démontrée dans ma mystique de l'art, qu'il y avait ce moment où l'art s'est complètement émancipé du religieux, sous toutes ses formes, etc. Il me semble que maintenant, je dirais à peu près un siècle après, il y a un désir de dialogue, hein, justement, parce qu'on a eu un siècle de tradition d'autonomie de l'art, et donc, du coup, maintenant, on peut envisager, d'autant plus que le christianisme s'est affaibli, hein, comme on n'a plus les prétentions qu'il avait, etc. Et donc, un dialogue peut se nouer sur des bases saines, mais il est toujours menacé, ce dialogue, parce qu'on a toujours des tendances intégrisantes, comme on voit, hein, tout ce qui est autour de cette notion de blasphème, etc., c'est souvent un refus de l'autre, tout simplement. On déclare que c'est blasphématoire simplement parce qu'on refuse d'entrer dans un langage qui n'est pas le sien, et voire d'être un peu déplacé ou provoqué. Alors, le nombre de fois où je fais des conférences, on me sort cette fameuse provocation, je lui dis, mais attendez, lisez n'importe quelle page de la Bible, il y a de la provocation partout, et c'est pas le gentil Jésus, etc. Enfin, il a provoqué, il a... Donc, ça fait partie de ce dialogue, hein, et le rejet aussi, et le doute, etc. Bon, on y arrive. Et donc, un langage artistique qui est trop mièvre, c'est pas... Donc, il faut qu'il provoque, il faut qu'il nous bouscule, qu'il nous déplace, qu'on semble un peu agressé, dérangé, déplacé. Surtout que... Et alors, on sort du religieux, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont là. On est tellement compté par une façon de voir, par les écrans, par l'image télévisée qui est toujours la même, d'ailleurs, hein, qui a un certain format, etc., etc., que l'artiste revendique comme une espèce de scène médecine, de nous montrer des images déformées, autre chose, celles qu'on ne montre jamais, celles qui se désimagent, etc. Enfin, il y a tout ce dialogue pour rendre l'être humain à lui-même, finalement, et lui rendre à ses capacités de créer, de penser, d'être véritablement lui-même, et pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Enfin, oui, ça c'est... Je voulais juste rejoindre dans ce que tu disais, on met l'art au service de l'expression des enfants, et moi je fais la, la, la, l'expérience que l'art soit mis au service des personnes du grand âge, qui, au cœur de leurs symptômes, disent quelque chose d'eux-mêmes et de manière fort artistique, lorsque ce qui est douloureux en eux a pu se poser, s'exprimer, a été validé, entendu, à un moment surgit quelque chose d'artistique chez la personne. Et comment vous le valorisez, ça, comment vous prenez en compte? Eh bien, il y a, dans la maison de retraite où je travaille, il y a un atelier de peinture, où les personnes font de la peinture, mais les personnes que je rencontre, il y a des personnes qui chantent, des vieux cantiques d'autrefois, ou des chansons apprises à l'école, et qui justement, à travers le chant, bon, par exemple, une personne dit la nuit quand je me réveille, je n'avais pas dormi, je chante tout ce que j'ai appris dans l'enfance, et donc je propose de chanter quand je viens. Et, voilà, il y a une personne qui joue de l'harmonica, qui a appris à jouer de l'harmonica quand il était incorporé de force. Enfin, il y a l'histoire qui rejoint ce qui de l'art s'exprime, et donc ça, les œuvres surgissent en lien avec l'histoire de ces personnes-là, et c'est très intéressant ce qu'ils en disent et comment ça se dit avec beaucoup de beauté et de poésie. Et de l'art de dire les choses. On a fait un livre autour de ça aussi qui vient de sortir. Ah oui, qui s'appelle Alzheimer. Par rapport à Alzheimer. Il se trouve que l'art thérapeute qui a fait le livre travaille avec des personnes désorientées, Alzheimer ou désorientées, parce que faire la différence entre les deux n'est pas toujours évidente. Et elle a ramené de la région lyonnaise le travail avec ces personnes-là, des très belles peintures qui sont issues du travail de ces personnes en atelier d'art. Merci de ce très beau témoignage. Est-ce que quelqu'un aurait encore quelque chose à dire, ou bien, je vous remercie de votre présence à tous, c'était vraiment très riche. D'oser vous lancer dans ce livre un petit peu ardu quand même, hein, c'est des actes de colloque, mais on a fait en sorte que l'écriture soit le plus vite possible. Oui.